19h, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh bien, vous savez que vous allez avoir 2 heures de métal qui vont vous décrasser les oreilles, vous niquer le cerveau et vous sentir bien malgré tout, donc ça ne peut qu'aller. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Des nouveautés qui seront au nombre de 3 ce soir. Et il y aura également aussi un hommage à Patrick Johansson, qui était le guitariste du légendaire groupe suédois Dark Tranquility, qui nous a quittés le 25 janvier dernier des suites d'une longue maladie, voilà. Et comme tous les mardis soirs, donc on va essayer de faire un petit survol sur tous les genres et sous-genres qui composent donc notre style musical préféré, bien évidemment. Vous êtes prêts? On va commencer tout de suite avec un live. C'est quelque chose en ce moment qui nous manque beaucoup des concerts. Là, on va revenir au live de Orange Goblin, Rough and Ready, Live and Loud, sorti donc en fin d'année dernière. Live qui aurait dû sortir en 2020 pour les 25 ans de carrière du groupe britannique. Donc ce soir, une petite doublette. Tout d'abord, Sons of Salem. Donc on commence tout de suite. On tape dans le gras, ça c'est clair. Sons of Salem! ça, ça récure bien les oreilles, n'est-ce pas? Jolie doublette à l'instant. The Devil's Whip avec Sons, et juste avant Sons of Salem, donc deux extraits du live Rough and Ready, Live and Loud, d'Orange Goblin, sorti en fin d'année dernière et qui regroupe donc des extraits de concerts enregistrés entre 2016 et 2019. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée et on va dire que je vous invite à faire un retour dans le temps où on pourrait croire qu'on pourrait se retrouver en 1983-1984. Tellement ce groupe est vraiment imprégné du métal de cette époque-là. C'est un groupe américain qui s'appelle Fortress, qui nous vient de Californie, qui existe depuis 2016. Ils ont déjà sorti un EP. Et là donc, ils nous sortent leur premier album qui s'intitule Don't Spare the Wicked. Alors, à l'écoute de cet album, c'est clair que on peut penser à des choses comme Virgin Steel, Riot. Par moments, ça fait penser aussi, avec des brutales accélérations, aux deux premiers Maiden à l'époque de Diano. Avec un son de basse beaucoup plus rond. Au niveau des sauts de guitare, on est plutôt dans la lignée de Richie Blackmore, d'Ingrid Malmsteen. Enfin, le côté démonstratif en moins, on pense à Michael Schenker par moment. C'est pour vous dire quand même que le niveau est quand même très important. Alors, c'est encore un groupe de plus qui vague sur cette vague de nostalgie du début des années 80. D'ailleurs, c'est vrai que c'en a à tel point, quand on écoute, on pourrait croire vraiment à un album qui a été enregistré à l'époque et qui a été oublié. La prod est vraiment dans l'esprit de l'époque. Mais attention, c'est quand même du très très bon. D'ailleurs, même le chanteur ferait penser aussi, et par moments, à Bruce Dickinson, époque genre Peace of Mind. Ça fait penser à plein de choses, et malgré tout, ça reste quand même très personnel. Il y a de très très belles choses là-dessus. Donc, et puis, si vous regardez la pochette et la photo au dos, ouais, on est en 85, c'est clair. Vous dites, Icos, on a peut-être envie d'écouter de la musique, et vous avez raison. Donc, extrait de cet album, Don't Spare the Wicked, je vous invite à écouter, à faire un petit retour dans le temps avec Lost Forever, le morceau de Fortress. le futur terminé, nous on va revenir en 2002. À l'instant, nous étions en 1983, année où Rainbow, le groupe mythique mené par Ritchie Blackmore, qui je vous rappelle, pour ceux qui auraient un trou de mémoire, était le légendaire guitariste de Deep Purple des années 70. Et donc Rainbow, c'est un extrait de l'album Bent Out of Shape et le morceau Drinking with the Devil. Juste avant, tout nouveau, tout chaud, enfin sorti en fin d'année dernière, le premier album des Californiens de Fortress, Don't Spare the Wicked, et c'était le morceau Lost Forever. Et c'est vrai qu'à l'écoute de ça, on pourrait se dire que ça a été aussi enregistré à peu près à la même époque. Allons faire un petit tour maintenant dans la région parisienne et allons retrouver quelque chose avec un son plus actuel. Le groupe After Us, qui vient de sortir son premier EP Breaking the Dark, qui est un mélange de pop et de compo métal très réussi, comme ce Home Again qu'on va se envoyer maintenant. James in black and white, pieces of my heart, but who cares once they found the Home again, how good, how good, how good. Unknown Echoing Land, c'était un extrait de Social Animal, le premier album des Marseillais de Sub Powerson, sorti début janvier. Juste avant Sub Powerson, sorti fin d'année dernière, le premier EP de After Us, et c'était Home Again, le EP s'appelle Breaking the Dark. Voyageons toujours à travers la France, maintenant allons faire un tour du côté de Pau avec ce nouveau groupe qui s'appelle We Don't Care, mais composé de vétérans de la scène rock de ce coin-là. Ce groupe vient de nous sortir son premier EP Shitty Songs, comme quoi on peut dire qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Et extrait donc de ce EP, comme toujours, maintenant on a beaucoup plus de EP que d'albums, ça s'appelle Nobody Hears. Nobody Hears, un extrait donc de l'album, du EP, pardon, des Palois, Shitty Songs, c'était le morceau Nobody Hears. Alors maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Eh oui. Maintenant, allons faire un tour du côté de Londres où on va retrouver les Brésiliens, le duo brésilien Tropical Fuzz qui a sorti son premier album Your Mom. Le morceau, c'est ce qu'on va s'écouter maintenant. C'est celui qui donne son nom au groupe. Yeah. vous prenez un couple de Brésiliens bien énervés, elle, vous la mettez à la basse et au chant, et lui à la batterie, bah, ça vous donne Tropical Fuzz. Et Tropical Fuzz, bah, c'était le morceau qu'on a eu ce soir, extrait donc de l'album Your Mom. Deuxième nouveauté de la soirée, allons faire un tour du côté de Toulouse, où on va retrouver le groupe Miximétrie. Alors Miximétrie, ça ne doit pas vous être étranger si vous êtes de fidèles auditeurs, parce qu'on avait déjà passé leur précédent EP à l'époque de sa sortie, mais là c'est leur véritable premier album, qui est sorti donc la mi-janvier, qui s'appelle Miximétro, en fait, sort de jeu de mots. Miximétrie, pour résumer musicalement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'auberge espagnole, puisqu'on y trouve un peu de tout, du rock, bien sûr, principalement, de temps en temps, il y a des boucles électro, un peu de rap par moment, du métal aussi, de la funk, il y a pas mal de choses. Enfin bref, ça sonne très actuel, et ouais, c'est un joli petit truc. Pour tous ceux qui sont ouverts d'esprit, le morceau de ce soir s'appelle L'homme au costume noir. Noir comme la teinte. Comme dans les films de Scorsese. Et je pense à ça, la semaine prochaine, c'est les vacances. Peut-être que certains parmi vous iront faire du ski ou manger de la fondue en Haute-Savoie. Eh ben, en Haute-Savoie, on n'y fait pas que ça non plus. On y fait du rock, la preuve, avec les Blackbirds qu'on a eu à l'instant, avec leur album New Horizon. Et on a eu droit à l'excellent Vultures, qu'on sait vient de se faire à l'instant, qui vient de nous décrasser les cages à miel. Juste avant Blackbird, deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Mixymétrie et son premier album, Mixi Metro. Et c'était l'homme au costume noir qu'il y avait juste avant. Revenons maintenant au Danemark et retrouvons Volbeat et son nouvel album Servant of the Mind, sorti en fin d'année dernière. Volbeat qui nous propose toujours son mélange couillu de métal, de rock, de punk et ce côté rockabilly, presque country par moment, vraiment irrésistible. Et c'est déjà leur 8e album, on peut dire que pour l'instant c'est le sans faute. Comme par exemple ce soir, on va s'envoyer une petite douceur qui s'appelle Temple of Ecure. 19h50 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et oui, vous êtes bien sûr en train d'écouter Electric Shock, l'émission Hard Rock Metal tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était un des coups de cœur de l'émission pour cette année 2021. S'il y avait un top 10 de cette année, l'année dernière, il en ferait partie sans problème. C'est l'album de Mammoth WVH, l'album solo de Wolfgang Van Halen, le fiston du regretté Eddie, qui nous a pondu vraiment un album vraiment magnifique. Et quand on sait en plus que le gars, il a tout fait, hein, guitare, basse, batterie, chant, c'est vraiment un album solo vraiment magnifique. C'était le morceau Feel qu'on a eu à l'instant. Sinon, juste avant, bien Heavy et aussi groupe pour l'instant qui nous fait une carrière sans faute, c'est les Danois de Volbeat et leur 8e album Servant of the Mind. Et c'était le morceau Temple of Écure qu'on a eu ce soir. On se fait un peu de rock crasseux, genre AC/DC, matinée de Motorhead. Eh bien, on va revenir au EP de Balls Out, les poètes, vraiment, rien qu'au nom du groupe, vous avez compris de quoi il s'agit. Extrait de leur dernier EP, Volume 1, Get Dirty, tout un programme. Et on va se faire un morceau qui s'appelle, ce soir, à tendance chicanos, enfin du moins dans le titre, puisque le morceau s'appelle El Guapo Gonzo. Waouh, ça va le faire, croyez-moi, dès qu'il sera parti. Allez, on s'envoie ça. We'll be right back. Her name is Sister T. She really knows how to please. Yeah, she kiss your lips. She'd have you doing backflips. Oh yeah, but that's her game. Oh, she drives me insane. Well, she grabs my mane. I'm going out of my brain. I feel her blood rush fast. Oh, I hope I can last. But the end is near. Come on, Sister Dear. Voyage dans le temps et l'espace, puisque nous étions en 1991 en Australie avec le premier album de The Screaming Jets, All for One, et c'était le morceau Sister Tease, album qui a été réédité par l'excellent label Bad Reputation en 2018, incrémenté de plein de bonus, plus d'un CD live. C'est vrai que ce label, c'est formidable, ça nous permet de découvrir ou de redécouvrir des CD ou des artistes qui malheureusement n'ont pas réussi vraiment leur coup, et les albums sont complètement introuvables maintenant ou alors à des prix prohibitifs. Bref, bravo, heureusement que Bad Reputation existe. Juste avant, c'était les poètes de Balls Out et leur EP Volume 1 Get Dirty, El Guapo Gonzo était le morceau du soir. Maintenant, je vous invite à retrouver un groupe beaucoup plus épique, c'est Hops of Freedom, que vous connaissez bien puisque ça fait déjà pas mal de semaines qu'on passe des extraits de leur album Light, Fire and Iron. Et là, on va voyager avec le morceau Always on Your Side. l'instant, fin du voyage avec Always on Your Side, extrait de Light, Fire and Iron, le dernier opus de Hops of Freedom. Et bien, on va se faire la troisième et dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de la région de Bordeaux, qui a déjà sorti un EP et un premier album qui existe depuis 2015. C'est le groupe Seven-Eyed Crow qu'on va se faire ce soir. C'est un groupe qui est un mélange de crossover et de rock progressif. Il y a de très très bonnes choses sur ce EP qui s'appelle Icarus, qui est sorti le 21 janvier dernier. Et on va voyager, on va se faire un petit truc sympa qui s'appelle Eyes Wide Shut, comme le film de Stanley Kubrick. Try and make yourself at ease. For a start, would you like to clear who is out to disappear? A whole range of services we provide, a known and appreciated worldwide. People standing in our lobby always bring along quite dirty things to bury. At least until the job was done. Cause you see the credentials of Gary Wu. Some things you couldn't have learned at a private school. Before you sign in here, but have no fear. Intricate matters belong to higher spheres. Those you were never back to square one. Always begging, waiting lines. Pray the God and look for signs. vraiment sympa. Ça, c'est une belle découverte. Moi, ça m'a fait penser à Tool par moment, pas vous. Côté glauque et malsain quand même en moi. C'était donc la troisième nouveauté de la soirée. Un groupe de Toulouse s'appelle Seven Eye Crow et son EP Icarus. C'était le morceau Eyes Wide Shut. Est-ce qu'on se fait un petit tour du côté de chez nos chats préférés de Nashville, donc les Nashville Pussy, qui devaient normalement nous rendre visite en France une fois de plus avec leur rock'n'roll débraillé. Et comme c'est reporté à la fin de l'année prochaine, en attendant, ils nous ont sorti un petit live de Derrière les Fagots enregistrant 2018, Eaten Alive. Et on va se faire les deux, voire peut-être trois petits brûlots, ça va dépendre si vous êtes gentil ou pas. Tout d'abord, le morceau I'm So High, comme vous pourrez traduire par « Je suis tellement défoncé des poètes », je vous dis, c'est clair, et écoutez bien les paroles, c'est à mourir de rire. Si vous aimez l'humour redneck, impeccable. It's about getting high, it's called I'm So High, I gotta look down to see the sky. We'll be right back. 24 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui vous passe du métal et du rock'n'roll à l'instant. It's Only Rock'n'Roll avec cette triplette de Nashville Pussy, Why, I'm the Man et I'm So High, tous trois extraits du live Eaten Alive sorti en fin d'année dernière. Un peu de heavy maintenant. On va revenir à Judas Priest Beast, le projet de KK Downing, KK Priest, sorti au mois d'octobre dernier pour faire un peu la nique à son ancien groupe. Enfin voilà, on va pas revenir sur les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Enfin, toujours est-il que pour les fans de Judas, ça nous en fait donc deux à suivre maintenant. Donc, et pour un peu de légitimité, on a Tim Owens au chant qui fut chanteur du Priest dans les années 90. Il va se faire un extrait de Sermons of the Sinner, un morceau épique, dont le titre est un clin d'œil au glorieux passé du Priest avec Return of the Sentinel. Ça se termine tout en douceur, ce Return of the Sentinel, extrait de l'album de KK's Priest, Sermons of the Sinner. Est-ce que ça vous dirait maintenant qu'on retrouve notre bluesman, rocker-pêcheur préféré, Jérôme Pietri, et son nouvel album Last of the Fishing Days? Bah, j'imagine que oui, bien sûr. Eh bien donc, pourquoi pas un petit Collagen Woman. For collagen woman, you'll never make me dream. For collagen woman, nothing about you's real. Never make me dream. For collagen woman, nothing about you is real. You're desperate, everything is plastic. Nothing about you is real. Def Blood avec un extrait de Hell Real, leur premier album Party Girl, et juste avant, donc, je vous le disais, le bluesman rocker pêcheur Jérôme Pietri, son album Last of the Fishing Days, c'était le morceau Collagen Woman. Changeons de registre avec un truc un petit peu plus musclé, si vous voulez bien. On va revenir au EP de Resting Furia Silent Beholders, et on va se faire, faire un truc qui s'appelle Waving Crowds. We'll be right back. Extrait de leur EP Silent Beholders, Terrest in Furia et le morceau Waving Crowds. Eh bien, la semaine dernière, quand je préparais l'émission, je regardais le magazine Rock Hard et je suis tombé. Donc, je regardais la couverture, je me disais, tiens, mais au fait, ils ont fait leur couverture sur les 40 ans de l'album Creatures of the Night. Et pourquoi nous aussi, à Electric Shock, on rendrait pas hommage à cet album mythique en se passant quelques titres live? Et c'est vrai que cet album, même s'il n'avait pas spécialement bien marché en termes de vente pour Kiss, enfin, il avait quand même permis au groupe quand même de se remettre à faire du rock dur. Et à retrouver une certaine crédibilité malgré tout. Et d'ailleurs, cet album a vraiment résisté à l'épreuve du temps, parce que sur la tournée à l'époque en 82, ils jouaient 4 morceaux de cet album qui sont d'ailleurs toujours joués régulièrement. Donc je me dis, on va se faire quand même les plus heavy quand même. D'ailleurs, on va se faire l'instant War Machine, et j'ai choisi la version du live Rocks Vegas qui était sortie en 2016 et enregistrée en 2014. Drop. Jolie doublette à l'instant, I Love It Loud, extrait de Alive Free, sorti en 1993, et juste avant War Machine, qui lui était extrait du Rocks Vegas, sorti lui en 2016, et ça a été deux extraits de l'album Creatures of the Night, qui était sorti il y a de ça 40 ans maintenant, et ça c'était un petit clin d'œil donc au Rockard du mois de janvier. Et bien le dernier morceau de ce soir, ce sera un hommage donc, comme je vous le disais en tout début d'émission, à Patrick Johansson, qui a été le guitariste du groupe mythique Dark Tranquillity entre 93 et 99 et qui est décédé donc le 25 janvier dernier à l'âge de 47 ans. Encore, c'est triste. Donc on va se faire un petit hommage pour terminer l'émission et on va se faire un morceau d'exprès de l'album Exposure. Il nous est Retrospect and Denial, qui est une compile qui était sortie en 2004, qui regroupe des inédits et plein de choses intéressantes, ainsi qu'un live de 2002. Et le morceau qu'on va se faire ce soir s'appelle No One. C'était un morceau qui, à l'origine, a été enregistré pour l'album Projector en 1998. Et que ce morceau est par contre resté inédit, enfin, jusqu'à ce que cette compile sorte. Donc, en hommage à Patrick Johansson, ce sera le morceau de clôture ce soir. Oh, No One de Dark Tranquility. Voilà, ça c'était en hommage à Patrick Johansson, qui fut guitariste rythmique de la formation mythique suédoise. Et voilà, c'était également le dernier morceau de l'émission de ce soir. Eh bien, merci encore à vous d'avoir été derrière votre transistor ou votre ordinateur et écouter ce moment de musique. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec, bien sûr, de nouvelles nouveautés. Nouvelles nouveautés, ouais, ça c'est nouveau. Ça, je parle pas très bien la France non plus, voilà. Enfin bon, bref, c'est la fatigue, c'est la fin de l'émission. Merci encore à vous. Portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À la semaine prochaine. Ciao!